Oui, allô ? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît ? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message ? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile ? Il a votre numéro ? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame, au revoir.